14 ans, les premières sorties, les premières conneries, les premières envies dans un climat primaire de survie. Habitation en loyer modéré, décor planté, salon de 20 mètres carrés avec lino sans feu de cheminée. Des parents déchirés parce que mon vieux torché, ma mère cabotrimée, menacée par UC pour impayé. Les assistances qui réagissent pas, j'en ai eu la preuve. À l'époque, elle croyait pas qu'un blanc puisse être pauvre. Et c'est là où le bas blesse, moi les deux pieds dans la tête, ce genre de type qui est toujours à l'as. Les premiers dérapages, la drogue, les premières naves, les premières embrouilles, assis contre un baston dans la cave. Premier séjour à l'hosto, bouche éclatée. Heureusement pour eux, ils sont rattrapés, je les aurais pas ratés. Preuve faite, intégration au sein du crew. Une bande de fous qui pouvait te retourner juste pour trois galons. Nous, ce qu'on voulait, c'est juste qu'on nous respecte, ou à défaut qu'on nous craigne en fait. Je crois qu'on a fait pas mal de choses pas nettes, mais sans problème avec nos consciences. Mais peu à peu, ceux qui nous entourent faisaient plus confiance. Je peux dire qu'en amitié, rien n'est établi. Et ta vie prend un tournant quand t'as vu, tu me suis. Une période noire, la solitude te file comme ton ombre. Devenu dealer, croyant maîtriser la science des nombres. J'ai dû rater un épisode en un clin d'œil, tout a changé. J'sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on est tous damnés, merde. C'est par où la sortie, laissez-moi passer. C'est pas ça que je voulais, c'est vivre dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et tu décourtais, personne pour t'écouter, dégoûté. Des relations avant d'en avoir eu, j'ai pas eu de bons exemples, mais je sais que l'amour tue. Poisse qui enchaîne, première tête, première sueur froide. Première menace de mort pour quelques peines de shit, c'est crade. Faut virer de la vite fait. Risque maximum pour de la caille, vite fait. J'ai cassé, ils m'ont retrouvé, vite fait. À défaut de défumer, j'ai dû tirer un trait. 97, premier taf de merde, bienvenue chez les smigards. Avant le goût de la trim, du tréteau jusqu'au trop tard. Se casser les reins, entretenir un gros tas. Et à la fin du mois, ta fiche de paye ressemble à un constat. Se contenir, car tu le croises dans sa caisse. Lui qui hésitait à te prendre, des fois que tu te barres avec la caisse. Il ricane et toi t'enrages de te faire exploiter. Un jour, c'est tous mes devs qui se feraient éclater. Je fais du rap conscient, du rap de sang. S'il faut à bon escient, incendiaire sur ce beat pour le bien de tous. Car on a tous perdu nos rêves, et on voit tous clairement dans leur manège. Surendettement, chômage, rupture de ménage, toxicomanie, 3 millions d'alcoolos, voilà le carnage. Mesure prise pour une épuration sociale, ils en ont marre de tous ces va-nu-pieds, de tous ces crèves la dalle. J'ai dû rater un épisode en un clin d'œil, tout a changé. J'sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on est tous damnés, merde. C'est par où la sortie, laissez-moi passer. C'est pas ça que je voulais, c'est vivre dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Ce texte aurait paru trop sombre, trop noir, mais bien approprié jusqu'ici à ce que t'as pu voir. Dans une autre vie. Je serais numéro 1, une vraie star, et pas un petit rappeur de province qui s'évince au taf jusqu'au soir. Dans une autre vie. Faut virer ta vite fait. Risque maximum pour de la caille, vite fait. J'ai beau trimer, l'état me plume, vite fait. À défaut de les fumer, j'ai dû tirer un trait. Yeah. Dans une autre vie.